Esdras chapitre 7. Or, après ces choses, et durant le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraja, fils de Zarja, fils d'Ilkija, fils de Salom, fils de Tsado, fils d'Aitub, fils d'Amarja, fils de Zarja, fils de Merajot, fils de Zeraja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abizua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, premier sacrificateur. Esdras, dis-je, qui était inscrit bien exercé en la loi de Moïse, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné, monta de Babylone, et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Quelques-uns aussi des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers et des métiniens, montèrent à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Et Esdras arriva à Jérusalem, le cinquième mois de la septième année du roi. Car au premier jour du premier mois, on commença de partir de Babylone, et au premier jour du cinquième mois il arriva à Jérusalem, selon que la main de son Dieu était bonne sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à étudier la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner parmi le peuple d'Israël, les statuts et les ordonnances. Or c'est ici la teneur des patentes, que le roi Artaxerxès donna à Esdras, sacrificateur et scribe, scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances, entre les Israélites. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe de la loi du Dieu des cieux, soit une parfaite santé, et de telle date. J'ordonne, que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël, et de ses sacrificateurs et lévites, qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi. Parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses sept conseillers, pour t'informer en Judée et à Jérusalem touchant la loi de ton Dieu, laquelle tu as en ta main. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers, ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Et tout l'argent et l'or que tu trouveras en toute la province de Babylone, avec les offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs, offrant volontairement à la maison de leur Dieu, qui habite à Jérusalem. Afin qu'incessamment tu achètes de cet argent-là des veaux, des béliers, des agneaux, avec leurs gâteaux et leurs aspersions, et que tu les offres sur l'autel de la maison de votre Dieu, qui habite à Jérusalem. Et que vous fassiez selon la volonté de votre Dieu, ce qu'il te semblera bon à toi, et à tes frères de faire du reste de l'argent et de l'or. Et quant aux ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, remets-les en la présence du Dieu de Jérusalem. Et quant au reste qui sera nécessaire pour la maison de ton Dieu, autant qu'il t'en faudra employer, tu le prendras de la maison des trésors du roi. Et de ma part, Artaxerxès, roi, il est ordonné à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve, que tout ce qu'Esdras, sacrificateur et scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera soit fait incontinent. Jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de froment, et jusqu'à 100 bas de vin, et jusqu'à 100 bas d'huile, et du sel sans mesure. Que tout ce qui est commandé par le Dieu des cieux, soit promptement fait à la maison du Dieu des cieux, de peur qu'il n'y ait de l'indignation contre le royaume, et contre le roi et ses enfants. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni taille, ni guébel, ni péage sur aucun sacrificateur, ou lévite, ou chantre, ou portier, ou nétinien, ou ministre de cette maison de Dieu. Et quant à toi, Esdras, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Dieu, de laquelle tu es doué, afin qu'il fasse justice à tout ce peuple qui est au-delà du fleuve, c'est-à-dire, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et afin que vous enseigniez celui qui ne les saura point. Et quant à tous ceux qui n'observeront point la loi de ton Dieu, et la loi du roi, qu'ils soient aussitôt fait jugement, soit à la mort, soit au bannissement, soit à une amende pécuniaire, ou à l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis une telle chose au cœur du roi, pour honorer la maison de l'Éternel, qui habite à Jérusalem, et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers, et devant tous les puissants gentilshommes du roi. Ainsi donc m'étant fortifié, selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, j'assemblai les chefs d'Israël, afin qu'ils montassent avec moi.